France Inter. Tiens, là, par exemple, si je décide de donner la parole à Frédéric Sigrist, parce qu'il a, il a vu le film, ah bah, alors je peux ne pas le faire, mais je vais le faire. Ah, c'est sympa. Ah, bah ça fait du bien, hein. Allez, Frédéric, viens faire une chronique à Pâques qui disait « ça sent sympa, va rigoler ». Franchement, vous respectez absolument rien dans cette émission. Hein. Que je veux bien qu'on se pose entre trublions irrévérencieux, mais quid des racines chrétiennes de la France, hein, Charline? On s'en bat les couettes. Mais sincèrement, mais là, logiquement, vous avez une relance. Ah oui, ah, bah, mais elle s'en bat les couettes de cette relance. J'ai improvisé, alors je vais vous répondre. Frédéric, je ne savais pas que vous étiez chrétien. Moi, non, mais la SNCF, vraisemblablement, oui. Parce que 4 heures de RERC avec 3 correspondances pour venir de banlieue aujourd'hui. 4 heures. Guillaume, il repart à Rennes plus rapidement. Il y a encore moins de trains pour Jésus qui ressuscite à 33 ans que quand ils font grève contre la retraite à 64. Ça n'a aucun sens. Alors attention, hein, j'ai rien contre Jésus qui reste mon gauchiste préféré. Gros gauchiste, Jésus. Un hipster à sandales avec une tête d'arabe qui prend la défense des travailleurs du sexe, qui est pour l'accueil des réfugiés, parabole du bon samaritain dans l'évangile de Luc, qui ne supporte pas les riches, Matthieu 19-24, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche de rentrer au royaume des cieux. Un Jésus qui a même viré les marchands du temple à coups de pompe. À l'époque, Emmanuel Macron, il aurait déjà appelé les marchands du temple pour condamner ces violences. Gros christiano-gauchiste, le Jésus. Hein. Je vais vous dire, Jésus revient aujourd'hui, il croise Darmanin, direct il retourne au ciel avec un œil en moins, escorté par la Bravem. Se dire chrétien et être de droite aujourd'hui, c'est comme se dire communiste et voter Fabien Roussel. T'es pas sur le même fuseau horaire que ton concept de base. Mais aujourd'hui, foin de religion, on est surtout là pour accueillir William Lebguil. Et ça, ça me fait très plaisir. Ah, c'est genre... Parce qu'en 2008, il y a maintenant 15 ans, ouais. Je jouais mon spectacle juste après le sien, au point virgule. C'était le spectacle Ado, où William jouait aux côtés de deux autres comédiens, Thomas Oliveres, que l'on a vu depuis au cinéma dans Intouchables, Les Aventures de Spirou et Fantasio ou Edmond, d'Alexis Michalik. Mm-hmm. Et je me souviens aussi du petit Mehdi, que l'on a pu voir sur Al Jazeera, vu qu'il est parti faire le djihad en Syrie. Et c'est ça qui est beau. Vous avez tous les trois fait Vous dites ça comme ça dans votre chronique. Pardon, excusez-moi. Et c'est ça qui est beau. Ils ont tous les trois fait une belle carrière, quelle que soit leur passion initiale. Comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves. Alors, William est pour moi un des jeunes acteurs français, si ce n'est l'acteur français le plus drôle du moment. Alors, ne le prends pas mal, Thomas. Toi, t'es un peu plus âgé, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Il arrive à faire quelque chose de très difficile dans Complice. Il arrive à être drôle et touchant à la fois, tout en étant juste. Quel que soit le niveau de caricature des films ou courts-métrages dans lesquels vous jouez, William, vous arrivez toujours à faire exister vos personnages au-delà du rire qu'ils suscitent. Dans Complice, face à un François Damiens impassible et tout en retenue, dans son rôle de John Wick à la française, hein, parce que John Wick est complice, désolé, mais même combat, hein, c'est l'histoire d'un tueur confronté à la pénibilité du travail qui voudrait pouvoir prendre sa retraite. On est dans le thème. Hein. Et ben, vous incarnez Karim, un garçon gentil et un peu naïf, et au début, on rit de vous, mais plus le film avance, on rit avec vous. Et j'ai grandi avec la poésie et l'humour d'un Pierre Richard. Aujourd'hui, pour moi, on a un William Lebguil. Et ça, c'est du comédien. Par exemple, dernièrement, j'ai vu Les Trois Mousquetaires. Paris, partie 1, D'Artagnan, le blockbuster français par excellence. 72 millions d'euros, 28 semaines de production, décor naturel. Il y a des stars partout. Romain Duris, Eva Green, Pio Marmaille, Louis Garrel, Vincent Cassel. Je crois même qu'il y a McFly et Carlito qui font un cheval. Paul Meyerbeer qui joue une épée. Gros casting. Hein. Tu sens qu'ils se sont vraiment donné du mal pour te vendre du rêve. Et ben, c'est une fiction avec tellement de moyens, ils ont réussi à te faire croire que Vincent Cassel pouvait être marié à une femme qui n'a que 14 ans de moins que lui. Sans fond vert, sans image de synthèse, c'est bluffant. Mais pourquoi ne pas avoir donné le rôle des mousquetaires à William Lebguil, Vincent Lacoste et Félix Moati? Ils ont non seulement peu ou prou l'âge du rôle, mais en plus ils ont le talent, l'humour et la fantaisie qui va avec le texte d'origine de Dumas. C'est pas Brigitte Macron qui me contredira, il faut enfin oser la jeunesse. C'est une journée placée sous le thème de la résurrection et le cinéma français n'en a pas besoin. Avec des acteurs comme William, il nous prouve tous les jours qu'il est bien vivant. Merci Frédéric Sigrist. Merci. Il y a du love. Les Complices de Cécilia Roux. C'est donc mercredi en salle. Parce qu'il n'y a pas que les Mousquetaires, il y a aussi les Complices, bien sûr. Ah ben oui, il faut le rappeler quand même.